Il y a des grands-mères qui sont sympas, qui vous font des gâteaux, des tartes et plein d'autres trucs comme ça. Il y a des grands-mères qui pour chaque anniversaire n'oublient pas de mettre un billet dans la carte qu'elles vous envoient. Il y a des grands-mères pleines de gentillesse qui vous sourient de toutes leurs dents, enfin du moins de celles qui restent. Il y a des grands-mères qu'on ne peut qu'aimer, et à côté de ça, il y a Mamie Renée. Mamie Renée a inventé la méchanceté. Regardez donc dans le dictionnaire, y'a sa photo mot calvaire. J'ai mangé chez elle avant-hier, j'ai cru que jamais je partirais. Quand Mamie Renée vous agrippe, c'est pire que quand on a la grippe. Mamie Renée s'est trouvée une nouvelle passion, à nous faire chier filles et garçons, à nous rendre fous à sa façon. Je lui ai offert un parfum le jour de la fête des grands-mères. Elle m'a laissé des traces dedans, encore visibles dans ma chair. Mamie Renée, yeah, yeah, yeah. Mamie Renée. Mamie Renée aime faire les courses à l'heure où tout le monde se pousse. Elle dupe les autres pour acheter une brique de lait bien du thé. Une fois arrivée à la caisse, elle a jamais assez de pièces. Et ça prend une heure pour qu'enfin elle décide qu'elle ne prendra rien. Mamie Renée nourrit les pigeons toute la journée sur son balcon, avec une dose de laxatif pour qu'ils se laissent aller sur notre vie. Je suis allé chez elle hier, ça, j'ai été bien accueilli. J'étais dehors en un quart d'heure avec un coup de parapluie. Mamie Renée, yeah, yeah, yeah. Mamie Renée. Mamie Renée n'est pas du style à se promener avec un caniche. Faut dire qu'à elle seule c'est un pitbull avec de belles dents, de belles grippes. Ah si Mamie Renée n'existait pas, c'est sûr que moi je l'inventerais pas. Dites-vous que même la canicule n'arrive pas à bout de cette femme-là. Pourtant, Mamie Renée a sûrement de bons côtés, mais j'ai beau chercher moi, j'ai rien trouvé. Mamie Renée. Mamie Renée, heureusement qu'il n'y en a pas deux comme toi. Déjà qu'avec une seule je m'en sors pas. Mamie Renée.